question là est non des moindres. Quand tu parles d'un lieu où sont les choses qui n'existent pas, est-ce qu'il s'agit de l'antimatière? Si oui ou sinon, qu'est-ce que l'antimatière? On a du monde brillant dans la salle. L'antimatière, ce n'est pas tout à fait. Bon, alors évidemment, j'espère que la personne a quelques connaissances au niveau de l'astrophysique. Quand on pose des grosses questions, il faut s'attendre à avoir des grosses réponses. Dans l'espace-temps, les énergies tendent à naître, à s'exprimer par le centre même de l'espace-temps et non pas par la périphérie. Lorsqu'une énergie disons, de cet endroit qui n'en est pas un, parce qu'un endroit, c'est quand même limité par l'espace et le temps, lorsqu'une énergie tend à apparaître subitement dans l'espace-temps, autrement que par le centre, elle réagit automatiquement avec ce qui existe pour revenir à son point de départ. Donc, automatiquement, elle est ce que l'homme appelle l'antimatière. Elle absorbe avec elle de la matière pour revenir à son point de départ, c'est-à-dire à l'endroit où elle n'existait pas. Alors, l'antimatière ne peut naître que dans certaines régions spatio-temporelles, là où la densification n'est pas suffisamment faite pour laisser, à un moment donné, à un mécanisme inexistentiel la possibilité d'apparaître, donc d'exister. L'inexistant, relié à l'existant, crée ce que l'homme appelle un contact entre l'antimatière et la matière, et automatiquement, ça disparaît. C'est-à-dire que ça réintègre l'endroit d'où c'est venu, c'est-à-dire que ça réintègre nulle part. Ce soir, on joue avec des mots. Apparemment, lorsqu'on dit que nulle part ça existe, lorsque l'extérieur c'est inexistant et dans cet inexistant il y a des choses inexistentielles qui sont là, pour la simple raison que tout le vocabulaire humain a été construit en vue de définir les choses perceptibles, donc existantes. Alors, il est évidemment très laborieux d'essayer d'expliquer l'inexistentiel à partir de mots définissant ce qui existe. Quelques appréciations ici sur la conférence. C'est la première fois que je viens. Je trouve votre conférence très bonne, mais il y a bien des mots que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Lecture, autre. Et ici, maudite bonne conférence. T'as pas honte? T'as pas honte? T'as pas honte de pas avoir honte? Ah bon. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec les mots qu'on ne comprend pas? Alors qu'on l'explique de te souvent, alors évidemment, les personnes nouvelles n'étaient pas là lorsqu'on l'a expliqué. Qu'est-ce que t'as répondu? Je devais pas être là non plus. Ah, oh, ben, je vais élaborer. Qu'est-ce qu'on fait quand on comprend pas? Explique-moi ça. On n'essaie pas de comprendre. Le vocabulaire. C'est comme à l'armée, ça. Cherchez pas à comprendre, le chef a toujours raison. Même quand il a tort, le chef a raison. Alors, ce qui arrive, c'est que le vocabulaire étant quelque peu nouveau pour certains, et c'est normal parce que, au lieu de passer par des définitions qui sont longues et laborieuses, on met un mot qui à lui seul résume la définition. Et lorsqu'une personne vient pour la première, deuxième ou troisième fois et qu'elle a de la difficulté à suivre certaines parties de la conférence, parce que le vocabulaire est neuf ou parce que la matière est suffisamment dense, si elle vient quelques fois, elle va s'adapter relativement facilement au vocabulaire. Et ça, il y a plusieurs personnes qui étaient sceptiques les premières fois qu'ils m'ont entendu dire cela et qui, de temps en temps, lorsqu'elles reviennent, viennent me voir à la fin de la conférence pour me dire qu'effectivement, c'est plus clair parce qu'on s'adapte assez vite. Autre chose, le Centre de l'universalité donne la première partie enregistrée sur cassette à ceux qui achètent un billet pour la prochaine fois, justement pour pouvoir permettre, sans dépense de la part des personnes, d'amener avec eux la conférence. De cette façon, ils ont la possibilité de pouvoir réécouter et peut-être recomprendre et s'adapter aux mots. De la faire écouter à leur belle-mère aussi. Moi, S'il y a un s'ils ne les aiment contentieux à pas, oui. liquider, là, c'est le temps. C'est ça. Alors, disons que c'est les choses à faire. Lire, évidemment, ça peut ne pas nuire. Maintenant, il faut faire attention. La majorité des livres qui ont été écrits à l'extérieur du Québec ne portent pas nécessairement le même vocabulaire parce qu'ils ne traitent pas nécessairement de choses aussi hautes ou aussi avancées que ce que l'on va faire au Québec. Il y a certains livres qui peuvent approximativement se rapporter au vocabulaire québécois, mais ils vont être entourés d'un vocabulaire encore plus complexe, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement un chemin intéressant à suivre. La meilleure chose, c'est d'écouter et on finit par comprendre. Lorsqu'on va à l'école et qu'on commence à apprendre un peu la physique, le vocabulaire est aride. Après quelques cours, on commence à comprendre. Lorsqu'on commence en biologie ou en médecine, c'est aride. Après quelques cours, on comprend. C'est la même chose. Est-ce que l'énergie supramentale est du même plan que le plan causal? Y a-t-il des êtres réels qui dépassent la hiérarchie solaire dans la conscience sur le plan physique, terrestre? Qu'est-ce qu'un être? Je sais pas. Un être classique, chastique? Ah, christique! Ah, OK. Vous devez écrire mal. On va commencer à sointer là-bas. Est-ce que l'énergie supramentale est du même plan que le plan causal? Le plan causal tel que défini par la conscience de l'homme est le plan supramental. Parce que dans la conscience limitée de l'homme, l'énergie supramentale est l'énergie intentionnelle, donc est l'énergie qui crée la cause. C'est-à-dire, elle est l'énergie qui va s'exprimer dans l'effet chez l'homme. Pour l'homme, l'énergie supramentale est la cause de ce qui se passe dans le plan planétaire. Et dans le plan planétaire, l'homme vit les effets. Il y a donc un contexte de cause et d'effet. La cause serait intelligente parce qu'elle orchestre et l'effet serait passif, donc inintelligent parce qu'il subit. Mais il faut comprendre aussi que dans le plan supramental, il existe un autre plan causal. Mais que pour l'esprit humain, en delà du plan mental, l'énergie supramentale devient pour lui un plan causal. Donc, dans la tradition ésotérique, le plan causal est bel et bien le plan supramental dont je parle. Y a-t-il des êtres réels qui dépassent la hiérarchie solaire dans la conscience, sur le plan physique terrestre? Sur le plan physique terrestre, il n'y en a pas. Sur le plan vibratoire terrestre, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Au niveau de la conscience solaire, il y a un être qui, traditionnellement, est l'équivalent de cette conscience solaire intégrale. Et cet être est celui que nous connaissons depuis longtemps sous le nom d'Iramabif. Nous connaissons aussi sous le nom de Lazare. Et que nous connaissons aussi sous le nom du comte de Saint-Germain. C'est la question suivante. Sur quel rayon travaille-t-il? C'est un salaud. Pas de ma faute, ça. Et au-delà du plan solaire, présentement, on n'a pas d'être physique, on a un être moléculaire qui a instruit la planète de ce qui devait se passer. Cet être-là est connu aussi sous le nom du Nazaréen au niveau de l'ésotérisme et sous le nom spirituel de Jésus de Nazareth. Alors, qui est le comte de Saint-Germain? Sur quel rayon travaille-t-il? Saint-Germain est un être qui a une tendance innée à voiler et à cacher tout ce qu'il fait. De ce fait, personne ne sait ce qu'il fait, ou bien ceux qui savent ce qu'il fait ne le disent pas. Saint-Germain est l'un des rares relégats d'intelligence planétaire. Disons que ce soir, la seule chose que je vais me contenter de dire, qui est peut-être quelque peu nouvelle, c'est que lorsque Lazare a été ressuscité apparemment par le Nazaréen, Lazare a été le seul personnage qui a fait 100% totalement confiance, c'est-à-dire qui était 100% en résonance vibratoire, en amour intelligent avec le Nazaréen. Cela veut aussi dire que Pierre, qui avait été désigné comme étant le successeur de la conscience christique ou donc de la conscience supramentale au niveau du plan terrestre, a renié le Nazaréen par la suite. Et Lazare a donc été le celui, et non pas Pierre, Lazare a été celui qui a été reconnu comme étant le successeur christique de l'énergie christique après la transformation du corps du Nazaréen. Lazare est un personnage, disons que le comte de Saint-Germain est le personnage qui a été investi de la possibilité de créer un contexte évolutif au niveau de la planète, ce qui a été ôté des mains de Pierre, donc des mains de l'Église. Lazare a donc été, le comte de Saint-Germain a donc été celui qui, ésotériquement, a dirigé l'Église, a dirigé aussi toutes les forces planétaires. Et lorsque j'expliquais dans une conférence qu'un personnage mystique avait la faculté et la possibilité réelle de diriger tout ce qui était mal sur le plan planétaire et de diriger aussi tout ce qui était bien sur le plan planétaire, je parlais du comte de Saint-Germain. On a deux antipodes terrestres où vont se focaliser les énergies de l'évolution. On a un antipode qui spirituellement porte le nom de Shambhala. On en a un autre qui porte le nom de Lagartha. On a les grands maîtres de l'humanité, et certains de ces grands maîtres ont comme fonction d'empêcher l'homme d'évoluer, pour pouvoir évoluer aux dépens de l'humanité. Et d'autres grands maîtres ont la fonction d'aider l'homme à évoluer jusqu'au point où ils pourront l'empêcher d'évoluer, pour les mêmes raisons. Le bien et le mal sur la Terre est contrôlé par Saint-Germain, et c'est l'être qui est le seul être présentement qui a cette conscience planétaire ainsi que cette conscience solaire, tandis que la majorité des autres êtres qui sont arrivés à un point de conscientisation particulier, que ce soit le Bouddha, que ce soit tous les autres Bouddhas qui ont suivi, que ce soit plusieurs de nos grands maîtres, sont régis par Saint-Germain et sont obligés de conserver une évolution terrestre et planétaire dans l'attente de la libération de l'humanité qui, enfin, pourra libérer ses maîtres. De toute façon, on va revenir prochainement. Tout à l'heure, je parlais de février pour les titres que j'ai énumérés. C'est en mars. Et en février, on va revenir justement sur les grands maîtres. Un peu sur Saint-Germain. Qui est loin d'être un grand maître. Alors, une autre question de taille ici. Peux-tu nous parler un peu du corps éthérique, son rapport avec l'ego et aussi des chakras? Non, si je réponds simplement à la question, la réponse est oui. Il peut le faire. Bravo! Dans mon post, je fais un petit regard sur ce genre de questions. C'est que la pensée fonctionne toujours d'une façon qui n'est pas ajustée. Alors, la question « Peux-tu nous parler? » La réponse, oui. La question « Parle-moi ou parle-nous? » Ça peut aller. Et autre chose, « Peux-tu nous parler? » C'est que la personne n'est pas encore suffisamment capable d'assumer ses propres pensées. Alors, elle collectivise sa question « Peux-tu nous parler? » « Peux-tu me parler? » Le corps éthérique, dans l'ancienne étymologie, désignait le corps vital. Au niveau du Québec, cela va désigner surtout le corps supramental, mais cosmiquement, les deux plans éthériques vital et éthériques supramentales ont la même connotation. Ce sont des énergies qui ont comme fonction d'organiser une structure moléculaire ou atomique dans le plan matériel et d'organiser une structure submoléculaire dans le plan supramental. Autrement dit, ces deux plans, éthérique supramental et éthérique vital, ont comme fonction d'orchestrer la création d'un corps expérientiel. L'un dans le plan de la Terre, de la matière, l'autre dans le plan supramental, dans le plan de l'extraterrestrialité. Les chakras sont des carrefours d'énergie. Il y en a 63, dont 7 principaux qui sont connus. Et lorsque l'énergie vitale circule dans ces chakras, lorsque deux méridiens se croisent et que l'énergie vitale circule à l'intérieur, il y aura une perturbation électromagnétique d'ordre vital qui va créer une espèce de halo, ce qui va permettre aux voyants spirituels d'avoir l'impression que des fleurs poussent sur le nombril des personnes qui évoluent. Les lotus. Donc, il n'y a pas de fleurs. Et le centre d'énergie éthérique vital est celui qui va donner à l'homme la possibilité de faire fonctionner son système endocrinien, qui est la correspondance immédiate dans le plan matériel de l'expression des énergies vitales. Lorsque dans le PMC, dans le programme être contrôleur, nous disons que le but principal est de faire en sorte que le mental de l'homme devienne le maître contrôleur à bord, nous voulons dire par là que le mental de l'homme doit avoir le contrôle parfait du système endocrinien, donc il doit le retirer des manipulations émotives et psychologiques, donc astrales, qui ne s'expriment par le biais du corps physique que par le système endocrinien. Donc, on a eu un temps où l'évolution de l'homme se faisait par l'évolution chakrique, c'est-à-dire qu'on essayait de faire en sorte que la pensée égoïque de l'homme se concentre sur différents chakras pour les faire se développer. L'évolution d'aujourd'hui ne se fait plus de cette façon. Les chakras chez la majorité des êtres d'aujourd'hui sont presque tous en plénitude. L'ego n'a pourtant pas la faculté de les voir comme ils sont. C'est-à-dire que lorsque l'ego devient clairvoyant, il voit l'aura des chakras des autres à travers la coloration de la sienne. Donc, il ne peut pas voir la pureté même, il ne peut pas voir ce qui se passe réellement chez les autres. Il voit le mélange de son propre aura avec celle de l'autre. Et il ne peut pas nécessairement voir un chakra totalement ouvert malgré que ce chakra peut être ouvert. Sachez ceci, c'est que vous êtes quelque chose d'extrêmement évolué. Mais vous ne connaissez que ce qui est reflété dans votre conscience de cette évolution. Donc, égoïquement, psychologiquement, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau d'évolution vous êtes. Vous croyez être au niveau reflété dans la conscience de l'ego, ce qui est une bien infime partie de votre potentiel réel. L'évolution présente se fait par une descente d'énergie par le biais du chakra coronal, par le biais du chakra de la tête, qui va forcer la glande pinéale à travailler comme un troisième cerveau, à ajuster l'intellect et l'intuition régis par les deux hémisphères cérébraux, de façon à donner à l'homme une triple conscience, une conscience beaucoup plus constitutionnelle, une conscience beaucoup plus réelle, une conscience galactique. Tandis que présentement, et comme on le faisait dans l'Antiquité, on essayait de faire en sorte que les énergies telluriques traversent l'homme à partir du premier chakra, le chakra des glandes surrénales, suite à cela, le deuxième chakra, le chakra sexuel, pour monter vers la tête. Ce mécanisme est opéré, accompli. L'évolution présente de l'homme se fait maintenant par infusion d'énergie solaire, c'est-à-dire non plus par initiation lunaire, tellurique, terrestre, mais par initiation solaire, donc les énergies supramentales descendent chez l'homme et vont orchestrer maintenant le fonctionnement des énergies vitales de façon à opérer dans le corps physique une mutation permettra à un moment donné à la conscience de l'homme de ne plus refléter exclusivement que la perception de l'ego, mais de refléter aussi l'apprentissage instantané supramental. Une personne ici qui dit « Ça fait au moins un an que je viens au centre et je n'ai jamais compris les mots fusion, fusionner. Pourriez-vous me les définir dans une définition simple ?» Il est temps que la personne pose la question. Il faut faire attention à ceci. Lorsque je critique les questions, je ne parle pas à l'ego de celui qui pose la question. Je parle à son mental, qu'il apprenne. Et je parle aussi au mental des autres, qu'ils instruisent leurs égos. Longtemps, mais longtemps, dans un travail quelconque, une personne va répéter inlassablement la même chose sans jamais savoir ce qu'elle fait. Et au bout de 2 ans, elle est écœurée de son emploi parce qu'elle n'a rien compris, alors qu'elle n'avait qu'à poser les questions. C'est la même chose pour l'éducation des enfants, pour une maladie, pour les médicaments que vous prenez, que vous ne savez pas à quoi ils servent, que vous êtes écœuré d'y prendre. À un moment donné, on les condamne, sans jamais avoir osé s'informer. Le terme fusion est un terme qui a été employé par Sri Aurobindo en premier, communiqué au Québec par d'autres personnages que moi. Et étant donné que ces personnages sont passés avant moi, Je ne voyais pas l'intelligence d'employer un autre mot pour désigner la même chose. Lorsque nous parlons de fusion, moi, je parle surtout de contact. Le mot fusion veut dire, au niveau ésotérique, un peu la même chose qu'il veut dire au niveau chimique. Lorsque l'ego, qui crée une enveloppe séparatrice entre l'intérieur de lui-même et l'extérieur, arrive à se connecter à quelque chose d'autre, qui fait partie de l'homme réel, mais que l'ego a toujours banni, et auquel l'ego a toujours voulu avoir un contact. Il a ce contact. Il parle à Dieu, il parle à son esprit, il fait ce qu'il veut. Lorsqu'il y a une fusion, cela veut dire que l'ego accepte de disparaître pour s'amalgamer totalement à l'énergie nouvelle qui descend. Présentement, on parle de fusion supramentale. Alors, l'homme n'est plus en contact avec l'énergie supramentale. Lorsque la fusion a été opérée, l'homme est supramental. Lorsque la fusion de l'ego s'est opérée avec votre corps physique a commencé à avoir des émotions. Il a commencé à avoir une accélération cardiaque lorsque la psychologie vivait quelque chose. Il a commencé à transpirer, à rougir, à avoir différents symptômes d'expression d'émotion lorsque la fusion entre l'ego et le corps physique a été opérée. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus eu de séparation évidente entre l'ego et le corps physique. Lorsque la fusion mentale apparaît, c'est lorsqu'il n'y a plus de séparation évidente, donc lorsque l'ego cesse de refuser l'intellect ou lorsque l'ego cesse de refuser le mental, il y a eu fusion. Lorsqu'une personne dit « Ah, je suis en contact avec le supramental » ou lorsqu'une personne dit « Je suis en contact avec un plan extraterrestre » ou lorsque la personne dit « Je suis en contact avec Dieu », il n'y a pas fusion, il y a contact. Lorsque la personne dit « Je suis Dieu », il y a peut-être juste contact et l'ego s'honorifie de ce contact. Et lorsque la personne parle, et lorsque la personne est capable d'assumer ce qu'elle dit, elle ne se prend plus pour un autre, elle est l'autre. C'est-à-dire que l'homme n'a plus de contact avec les plans supérieurs, il y a eu une fusion totale, donc l'homme est intégré à ses plans supérieurs. Ou si vous préférez, le plan supérieur est maintenant intégré chez l'homme. L'homme est supérieur. Non pas péjorativement, énergétiquement. Donc, lorsque nous parlons de la fusion, est-ce qu'on a des personnages fusionnés au plan supramental au Québec? Certains disent oui pour l'écologie de leur public. Mais s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Je reste aussi écologique qu'eux. Lorsqu'un être est fusionné, il est totalement désassujetti. Lorsqu'un être est fusionné au niveau supramental, il est totalement désassujetti de toute manipulation psychologique planétaire. Pour l'homme ancien, il devient un dieu. Pour lui-même, il reste lui-même, avec une conscience plus étendue. Donc, lorsque nous parlons de fusion, nous parlons d'une intégration complète des deux parties, de l'homme terrestre et de l'homme extraterrestre, de l'énergie humaine, et de l'énergie supramentale. Vous n'avez plus de contact avec l'énergie supramentale, vous n'êtes plus manipulé par l'énergie supramentale, vous êtes supramental, autant que présentement vous êtes mental et que vous êtes émotif, psychologique, vital et physique. La fusion s'est opérée dans les quatre plans. Elle s'est opérée au niveau du plan physique, vital, astral, psychologique, émotif, mémoriel et mental. Votre fusion, elle est presque complétée au niveau mental. Le contact supramental commence et un jour, il y aura une fusion supramentale. Lorsque j'aborde la fusion réincarnative, lorsqu'une personne se réincarne, il y a chez elle plusieurs personnalités de d'autres vies qui vont habiter le même corps. Et lorsque toutes ces personnalités qui vont se chicaner longtemps pendant l'évolution du corps physique vont être fusionnées, cela voudra dire qu'on n'aura plus de chicane intérieure, la personne aura enfin une paix intérieure. Elle sera unique à l'intérieur, non plus colérique et pacifique, non plus haineuse et encore une fois pacifique. Elle ne désirera pas un meuble une journée pour le détester le lendemain en vouloir un autre. Elle ne changera pas d'auto toutes les années parce qu'elle n'aime plus ce qu'elle a acheté. Elle ne sera pas continuellement déçue par ce qu'elle va se procurer. Parce qu'elle aura fait une fusion de ses personnalités réincarnatives, donc il y aura un être humain dans son corps. Elle sera beaucoup plus en paix que tous ceux qui cherchent régulièrement et continuellement des choses. Ces personnages vont vivre cette fusion de personnalités réincarnatives par la vie. Fusion veut dire amalgamation continue, peut-être instantanée, peut-être prolongée. Et à un moment donné, on n'a plus les éléments à fusionner, on a un être nouveau. C'est la fusion. Lorsque le corps du Nazaréen a reçu l'essence christique, le Christ, il y a eu le contact. Et le Nazaréen disait, « Mon heure n'est pas venue. » Lorsque la fusion s'est opérée, il a commencé à se promener, à parler et à vivre. Ce n'était plus le même être. Lorsqu'il a dit, « Je suis le Fils de Dieu », il y avait contact. Lorsqu'il a dit, « Je suis », il était fusionné. Où se trouve le noyau de l'ego? Ça se peut-tu? Ah, de l'ego. Où se trouve le noyau de l'ego et comment est-il créé? J'étais sceptique comme une fosse avec cette question-là. Bon, lorsque je parlais du centre d'apparition d'énergie non existentiel dans le plan existentiel, je ne parlais pas de la création de l'ego. Le centre de l'âme, c'est l'ego. Le centre de l'ego, c'est la conscience. Comment est-il créé? Par un biais de mécanisme mémoriel qui est relativement long à expliquer. Disons que si je réponds à cette question ce soir, on va passer le reste de la soirée, on pourra y revenir plus tard. Et de toute façon, bon, c'est presque con de répondre cela, mais le séminaire PMC, c'est 2 jours à peu près juste de travail sur ces mécanismes égoïques. Alors, l'ego est créé par le biais des mémoires. Le centre de l'ego, c'est la conscience qui permet l'instruction de l'ego, donc la mémorisation des expériences. Tandis qu'autour de l'ego, toutes les mémoires rejetées vont créer ce que j'appelle, moi, les mémoires volatiles, qui vont être conservées par le périsprit qui crée l'âme. Et le noyau de l'âme, c'est l'ego, l'identification suprême des mémoires. Et le noyau de l'ego, c'est la conscience. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un jour une conférence sur la définition de tous ces termes-là du vocabulaire? C'est quoi l'ego? Bon, alors, c'est quoi l'astral, le mental, le corps, ceci, cela, la fusion et tout ça? Ça serait une conférence qui serait relativement plate dans le cadre d'une conférence. Au niveau de l'ego, j'ai fait une conférence intitulée « Le rôle de l'ego ». Suite à cela, le rôle de l'âme, qui déjà explicifie suffisamment les choses. Mais si on regarde encore, c'est que je n'aime pas perdre de l'énergie à faire 2 fois la même chose. Ce n'est pas intelligent. Dans le séminaire PMC, on a une partie de la journée qui n'est que sur l'étymologie ésotérique. Alors, on fournit un livre dans lequel on a, par ordre alphabétique, tous les mots employés au niveau de l'ésotérisme du Québec, comme de ce que je fais comme conférence. Et là, on définit sur tableau, on définit dans le livre, on définit tous ces mots complets, de A à Y, parce qu'il n'y a pas de mot Z, là. Mais est-ce que tout le monde peut avoir accès à ce cahier-là? Seulement ceux qui sont dans le PMC, pour la simple raison que l'explication qui est écrite à côté du mot n'est pas suffisante, elle est là pour te rappeler. Alors, si on prend l'âme, on passe 3 heures à parler de l'âme, et l'âme, tout ce que tu as dedans, c'est corps constitué par le périsprit, les mémoires volatiles et l'ego. Alors, les mémoires volatiles, c'est quoi? On l'explique. L'ego, c'est quoi? On l'explique. L'ego, c'est d'autres choses qu'on explique aussi. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas en conférence spécifiquement expliquer tout ce vocabulaire parce que c'est de l'étymologie et on a beaucoup de mots à expliquer. Supramental, on peut parler d'auto-ajusteur, d'autodisciplineur, d'ajusteur de pensée, d'action, de réaction, de contraction. Il y a tellement, tellement de mots qui permettent beaucoup plus facilement d'ajuster sa pensée, parce que si on n'a pas le mot pour penser, on n'a pas le mot pour mettre dans la conscience l'énergie de la compréhension qu'on a. Alors on dit « je comprends presque, mais je n'ai pas les mots ». Alors les mots, on doit les trouver, sinon on doit les créer. Et faire une conférence juste sur ce genre de, sur l'étymologie, pour tous ceux qui comprennent, ça serait une perte de temps. Pour ceux qui ne comprennent pas, on n'aurait peut-être pas le temps d'ajuster convenablement. Et c'est pourquoi, justement, dans le séminaire PMC1, la première chose que l'on fait, c'est sur l'étymologie ésotérique. Et puis, en plus que ces mots-là ne sont pas fixés une fois pour toutes, il faut les mettre dans le cadre de la conférence où ils sont vivants. Autrement, ça vient l'être morte. Okay. Exactement. Une personne qui dit ici, je suis maintenant dans mon mental, quel chemin me reste-t-il à faire pour péter la balloune? Qu'elle poursuive son cheminement dans son mental, puis un jour, elle aura la réponse. Est-ce que l'énergie supramentale peut être manifestée dans la matière au niveau d'une province ou d'un pays par une quantité X de gens individuels, si cela se peut, quand et où? Alors oui. Quand dans le Québec ésotérique, Québec qu'on a défini assez clairement, je crois, la semaine dernière, où dans le Québec, quand le Québec sera suffisamment prêt, Québec ésotérique, ça va de soi. Présentement, au Québec, on a de plus en plus d'êtres qui sont effectivement des expressions de l'énergie supramentale, donc des ajusteurs de pensée collective. Plus cela va aller, plus il y aura de ce genre d'êtres humains. Présentement, on a beaucoup moins de naissances, c'est normal, parce que le contexte sociétaire ne permet pas l'apparition de corps physiques permettant l'expression correct, original, d'homme nouveau, donc d'homme ayant cette conscience supramentale, cette conscience nouvelle. Dans quelques années, disons quelques années, on aura des naissances en vague. On a expliqué un peu ce mécanisme aussi lors de la conférence, je crois, la psychologie de l'enfant nouveau. Alors, fixer une date, c'est ridicule pour la simple raison que c'est un processus qui va en grandissant. Il y a eu aussi deux symposiums qui ont été faits là-dessus, sur le rôle de la conscience au Québec et vice-versa. Ouais. C'est ça. Alors, disons, c'est pas que je veux être plate, mais pour la simple raison qu'il y a des personnes qui étaient là lors de ces conférences, connaissent déjà les réponses. Ça serait, disons, fastidieux un peu de répéter. Tandis qu'on a déjà les cassettes. Les conférences sont déjà dessus, alors la personne qui veut réellement savoir, alors elle va s'arranger pour savoir. Et si c'est une question passe-temps, ben alors il n'y a aucun problème. J'ai cru comprendre dans une de vos conférences précédentes que l'enfant est plus avancé, évolué, que ses géniteurs. Que penser de la dégénérescence que je constate chez l'homme d'aujourd'hui par rapport à nos prédécesseurs? Exemple, force physique, dentition, maladie dégénérative, etc. La découverte de la puce, ouais, en informatique, est plus facile que la découverte de la roue. Bon, alors l'évolution ne se fait plus au niveau du plan physique, elle se fait surtout au niveau du plan neuronique, donc au niveau du cerveau. Lorsque l'homme passe par une période où son cerveau augmente en fonction, en formation, automatiquement, l'ego va se servir de ce cerveau pour essayer de s'accaparer une sécurité qu'il n'avait pas avant. Tandis que, dans l'Antiquité, l'homme n'ayant pas une cérébralité suffisamment développée pour acquérir cette sécurité, il ne la devait qu'à sa force physique. L'homme nouveau comprend l'intelligence du corps physique. Alors, automatiquement, il va s'arranger pour avoir un corps physique en santé, suffisamment puissant, bien développé, bien nourri, ce que l'homme transitif et l'homme ancien a oublié complètement. Alors, tant que je ne pouvais pas me fabriquer des armes, je me fabriquais des poings. On a eu des arts martiaux où on avait la technique de la main de fer. La personne prenait des mains conventionnelles, elle les trempait dans du charbon, dans du sable brûlant, pour créer une corne autour de sa main. Et à un moment donné, il était même capable d'enfoncer des clous de 4 pouces avec un seul coup de poing dans du chêne. Aujourd'hui, est-ce que c'est essentiel? Non. Tu peux être efféminé, tu prends un revolver, puis tu tires. L'objectif même de l'évolution du corps physique comme l'objectif même de l'évolution de l'homme est de lui acquérir une sécurité. Lorsque l'homme découvre par sa neuronique la possibilité de transformer la matière de façon à créer une sécurité de plus en plus dévastatrice, il abandonne son corps physique. Il n'en a plus besoin, apparemment. Alors, il compense par des médicaments, au lieu de compenser par une alimentation médicamenteuse, disons, qui prévient. Il compense par des médicaments, encore une fois, ou par une chaise roulante, ou par le câble sélecteur à distance, au lieu d'avoir à se bouger physiquement. C'est plus rapide, c'est plus sécurisant, tu es plus maître de toi ou de l'extérieur. Et lorsque l'homme commence à avoir cette conscience nouvelle, il sait que son corps physique, il n'en a plus besoin pour s'acquérir la sécurité, mais c'est le seul véhicule qui permet l'expression des énergies intelligentes, et c'est le seul véhicule qui va aussi permettre l'expérimentation pour forcer l'ego à se transmuter en énergie supramentale. Donc, la dégénérescence que l'on a vue, elle était collective, sociétaire, instructive. Lorsque les enfants viennent au monde, ils ont des corps physiques qui ne sont pas nécessairement habilités à bûcher du bois. Mais par l'éducation, si elle est intelligente, ces corps physiques vont devenir totalement souples, totalement forts, suffisamment forts pour pouvoir faire plusieurs choses. Ils auront des corps physiques approximativement d'athlètes. Vous entendez, je ne parle pas de ceux qui font les Olympiques, mais au moins un corps physique suffisant pour que lorsque tu glisses des marches d'escalier, tu arrives en bas ses fesses en riant d'un fou rire et non pas en braillant parce que tu as une hanche brisée. Donc, un corps physique suffisamment adapté à la vie physique, à la vie matérielle, ce que l'homme transitif oublie souvent, ce que l'homme ancien oublie complètement. Et il aura quand même une neuronique suffisamment avancée parce que plus le corps physique est en santé et plus le cœur fonctionne, plus les vaisseaux artériels sont en bon état, donc plus le sang circule, plus le sang est oxygéné, donc plus le cerveau est oxygéné. Plus le cerveau est oxygéné, plus l'homme peut fonctionner. Alors donc, cette dégénérescence, elle est apparente au niveau physique, tandis qu'il y a une évolution réelle et massive au niveau du plan neuronique. Et lorsque cette évolution sera suffisamment complétée, l'homme recommencera à retrouver un corps physique, mais il ne l'aura pas par la génétique, il l'aura par l'éducation. Tandis que présentement, l'homme a un système d'intelligence intellectuelle par l'éducation, mais pas tellement par la génétique. Je ne sais pas si tu vas comprendre la question, moi ça ne me dit rien. Que pensez-vous de l'histoire où C. Fisher? Dis-tu quelque chose? Maudite bonne conférence, ah bon. Histoire du C. Fisher. C'est probablement relié à l'histoire de bateau. Alors, disons que si la personne, ce n'est pas de ce sujet qu'elle veut parler, elle pourra reposer une question et l'amener à François. En 1929, on a eu deux bateaux de pêche terneuviens qui le Sea Fisher. Deux bateaux de pêche terneuviens qui canadiens, donc qui sont partis à la pêche en haute mer près des glaces du Nord. Non, c'est ça. Et l'un des deux bateaux s'est échoué dans le Nord, dans une banquise. Alors, on a transféré l'équipage du Sea Fisher sur l'autre bateau. Et étant donné le manque de nourriture et d'eau pour les deux équipages, on est revenu vers Terre-Neuve. C'était 3 jours de mer, 24 heures sur 24, avec ses chalutiers. Et en direction de Terre-Neuve, de nuit, le bateau qui revenait vers Terre-Neuve a repéré sur son écran radar un bateau qui faisait une route de rencontre. Donc, il se dirigeait vers lui. Alors, ils ont manœuvré en fonction d'éviter la rencontre, ce qui était tout à fait normal, étant donné que le bateau de rencontre était tribord à mur, donc il y avait priorité. Alors, ils ont ralenti leur moteur et le bateau de rencontre a aussi ralenti les siens. Quelques heures après, ils ont évité de justesse un bateau qui est passé en avant d'eux. Et sur le bateau, c'était écrit « Sea Fisher ». C'était leur bateau qui s'était libéré de la glace. Le lendemain matin, le même bateau refaisait une route de rencontre et a failli encore une fois éperonner le bateau. Le nom me revient lentement. Et ce bateau a donc lancé un appel de détresse à Terre-Neuve. On a envoyé un destroyer des forces armées canadiennes. On était entre deux guerres. Et le bateau s'est approché du Sea Fisher. Il l'a repéré, effectivement. Il s'est approché suffisamment près. Un destroyer manœuvre beaucoup plus facilement qu'un chalutier. Ils sont montés à bord, les moteurs et les machines étaient en avant toutes, il n'y avait personne à bord. Alors, ils ont éteint les machines et ils sont remontés sur le destroyer. Ils se sont éloignés lentement du Sea Fisher pour le laisser là en attendant qu'un autre bateau, un remorqueur, vienne le chercher. Le Sea Fisher s'est remis en avant toutes et il a fait une route de rencontre vers le destroyer. Et c'est une histoire tout à fait canadienne que l'on peut sans doute prendre référence dans certaines annales. Le destroyer a ouvert le feu sur le Sea Fisher et l'a coulé. Alors, si ce n'est pas de cette histoire que la personne veut parler, il n'a qu'à amener une question. Que pensez-vous de l'histoire du Sea Fisher? Qu'est-ce qui force un bateau à couler un bateau? Alors, c'est une bonne question. On va parler de manifestations matérielles, astrales. On pourrait citer de toute façon immensément d'autres phénomènes terrestres en regard avec les bateaux, comme en regard aussi avec les automobiles, avec les avions, avec la matière. Lorsqu'un phénomène matériel en bon état de route est capable de se libérer d'une entrave de glace pour par la suite faire une route de rencontre, il y a quelque chose qui est difficilement compris par l'homme ancien et qui est difficilement perceptible par la conscience de l'homme transitif. Il y a ce mécanisme qui oblige des énergies pseudo-intelligentes qui n'ont pas eu la faculté ou la possibilité, la chance, dirait l'homme ancien, d'être exprimées dans un corps physique et qui ont besoin, pour pouvoir être nourries dans leur propre évolution, de créer dans l'émotivité égoïque de l'homme des mécanismes qui vont forcer celui-ci à exprimer une énergie, énergie émotive, suffisamment dense pour pouvoir servir de corps aux énergies évolutives hors contexte humain. On va parler des énergies sataniques, on va parler des énergies diaboliques, on va parler des énergies noires, chose sur laquelle je vais revenir dans la conférence qui est Satan. Alors évidemment, la personne devance un peu cette conférence. Que penser de cette histoire? C'est quelque chose qui est totalement véridique. C'est quelque chose qui se peut totalement. Lorsqu'on parle des statues qui ont suinté et qui ont saigné, je répète toujours, parce que ça, c'est la trappe nigo la plus constituée au niveau des plans astraux. Mais alors là, merde, mais tenez-vous. Lorsque l'on fait saigner une statue et qu'on découvre que c'est une mystification, qu'est-ce qu'on fait? On rit. Et on se dit, évidemment, ça se peut pas. Lorsqu'on recommence à faire saigner une statue, mais qu'elle est plus grosse, et qu'on découvre encore une fois que c'était une farce, ça cristallise l'idée que ça se peut pas. Mais lorsque la journée où ça saigne, puis que ça se peut, qu'est-ce qui se passe dans la conscience cristallisée de l'homme qui maintenant a été instruit que ça ne se pouvait pas? La petite foi qu'il a commencé à développer dans la religion avec la première petite statue, elle a été éliminée. C'était une farce. La deuxième fois que ça saigne, il hésite, il ne sait pas. Il va encore. C'est une farce. Il ne veut plus croire. Mais quand ça va se mettre à saigner pour le vrai, la petite foi qu'il développait va se transformer en une foi inconditionnelle. On va l'avoir fourré royalement. Le fait de dire « ça ne se peut pas », on le savait, « ah, ah, ah ». Surveillez-vous. Parce que le fait de bannir complètement une possibilité, parce que cette fois-ci, elle était fausse, vous prépare à un choc drôlement plus renversant qui peut vous démolir beaucoup plus rapidement que tout ce que vous aviez pu penser. Les énergies astrales de bas niveau, donc extrêmement proches des énergies vitales, ceux qui constituent la matière, ont la faculté bien nette de manipuler la matière. Que ce soit par la possession d'une maison, d'une demeure, que ce soit par l'apparition d'esprits, que ce soit par la transformation d'une automobile en quelque chose d'autre, que ce soit aussi par le suintement ou le saignement, que ce soit par la manipulation matérielle, comme d'un bateau ou comme d'un avion. Lorsque ces choses, on découvre la mystification, on cristallise l'idée que c'est faux. J'insiste sur ce point parce qu'il est primordial. De quelle façon pouvons-nous prendre des hommes transitifs et les ramener carrément dans une conscience collective? C'est leur faire voir quelque chose qui est faux. Et on recommence et c'est faux. Et on recommence et c'est faux. L'intellect le sait. L'ego le sait. La journée que c'est vrai, l'intellect ne peut pas accepter cette nouveauté. L'ego non plus. Tous les deux sont détruits complètement, mais d'une façon qui n'est pas nécessairement écologique. Ils ne savent plus du tout où aller, parce que tout ce qu'ils ont cru qui était vrai, ça a été prouvé que c'était faux, que c'était des farces. Ils ont accepté que c'était faux. La journée qu'ils découvrent encore que tout ce qu'ils ont accepté comme étant faux est vrai, c'est douloureusement bouleversant. La matière, elle a la faculté d'être animée par l'intelligence, la preuve, l'homme. La matière, elle a aussi la faculté d'être animée par l'inintelligence, la preuve, l'homme. Il est très facile de faire en sorte qu'un bateau, de quelle énergie va-t-il être nécessaire pour faire bouger un bateau? L'énergie spirituelle, superstitieuse des marins. Il y a suffisamment d'énergie superstitieuse marine pour pouvoir être focalisé sur un bateau et l'obliger à quelque chose qu'on pourrait expliquer. On pourrait aussi bien dire que les moteurs n'avaient pas été éteints sur le bateau, la glace a fondu ou a brisé, le bateau a commencé à tourner, qu'un morceau de glace bloquant le gouvernail a fait que le bateau avait une route de déviation très légère et par hasard, elle coupait la trajectoire de l'autre bateau. Ça se peut. Mais ça ne change rien quand même que ça crée ce que ça l'a créé. Et lorsque le bateau passe devant l'autre et qu'il change de cap pour revenir dessus, on est toujours au pôle Nord. Ça se peut qu'un autre bloc de glace flottant ait opéré ce changement. Ça se peut. Lorsque on éteint les moteurs et lorsque les moteurs se remettent en avant tout, électriquement, énergétiquement, électriquement, on sait aujourd'hui que ça se peut. Parce qu'un champ électromagnétique peut stopper un moteur d'auto et peut aussi le faire démarrer sans clé. On s'est servi de cette découverte au niveau des films comme Rencontre du troisième type, par exemple. Ça se peut. Est-ce que ça l'explique tout? On s'en fout. Mais le hasard, ça n'existe pas. Et si le hasard n'existe pas, que ce soit un phénomène appelé naturel par l'homme parce que compris par l'homme, ou surnaturel par l'homme parce que incompris par l'homme, sachez que c'est toujours naturel, donc toujours possible. Que penser de cette aventure sur les eaux territoriales canadiennes? Ça se peut. La seule chose que présentement il m'intéresse de vous dire, c'est faites attention. Ça se peut. Et quand ça arrive, ça ne veut rien dire. Mais ça se peut. Puis quand ça n'arrive pas, ça ne veut rien dire. Puis ça se peut aussi. À propos, tu me fais penser, en parlant de bateau, là, que pour le prochain symposium, il va y avoir un tirage une fin de semaine de voile. J'espère que ce n'est pas sur le Sea Fisher. Pour deux personnes sur le lac Champlain en juin. Donc, le bateau s'appelle la Lubie. La Lubie. Les Lubies. Cherchez dans vos dictionnaires, vous allez voir. Alors ça, c'est pour un tirage qui sera opéré dans le cadre du symposium prochain. Là. Une fin de semaine de voile pour deux personnes sur le lac Champlain au mois de juin. Ici, une question. Qu'est-ce que l'art d'aime, justement? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette soirée d'information, mercredi prochain à 19h sur l'art d'aime. Alors, c'est quoi veux-tu définir? On va définir l'éducation, on ne parlera pas de l'art d'aime, mais c'est ça. L'art d'aime veut dire entraînement d'intelligence en mouvement. Eh bien, effectivement, la dégénérescence biologique de l'homme fait que celui-ci est de plus en plus porté à être intelligent dans le sens de ce savoir instantané. Pour faire référence à la question de tout à l'heure. Et cet homme nouveau, cet homme transitif, se doit maintenant d'entraîner son intelligence à vivre dans le corps physique. C'est-à-dire qu'il doit intelligencer le corps physique. Le corps physique est le véhicule par lequel va s'exprimer l'évolution. Vous êtes malade, vous exprimez ce genre d'état de conscience. Vous êtes en santé, pétant le feu, barbouillé d'enthousiasme, vous avez un autre genre d'expression d'état de conscience. Plus le corps physique est en santé, plus l'intelligence peut s'exprimer. Mais l'intelligence s'exprimant doit ajuster l'ego. L'ego étant celui qui a le contrôle du plan physique, l'intelligence s'exprimant, pendant un laps de temps, peut nuire au corps physique. Entraîner l'intelligence à bouger dans le corps physique. L'ardème est une adaptation de l'ukikyaido, qui est une adaptation de toutes les techniques qui peuvent instruire ou éduquer l'homme. De toutes les techniques des arts martiaux ancestrales. Donc, ça n'a rien à voir de par sa philosophie ou de par son concept avec les arts martiaux traditionnels d'aujourd'hui. Dans l'ardem, il y a un objectif. Et l'objectif doit être défini au préalable pour pouvoir permettre à l'intelligence de s'exprimer dans le corps physique, donc par le biais du mouvement. Mais quelle que soit l'éducation qui se sert du corps physique, on doit avoir un objectif. Une personne qui apprend une danse, elle apprend sa danse pour permettre à son ego, à sa psychologie de s'exprimer. Ça peut être une raison valable, jusqu'à un certain point. Mais pourquoi chaque mouvement? Est-ce que chaque mouvement n'a pas le privilège d'enseigner au corps quelque chose? Et si oui, est-ce que le corps enseigne par le fait même quelque chose à l'ego, au mental, donc à l'intelligence? Si oui, on doit donc décortiquer chaque mouvement pour savoir si celui-ci a effectivement la possibilité d'instruire quelque chose chez l'homme qui pratique le mouvement. Si on fait cela, on est donc capable d'éliminer tous les mouvements inutiles. Inutile en ce sens qu'ils ne servent à rien, ils n'instruisent rien, pour essayer de placer que les mouvements qui éduquent l'homme. Et tous les mouvements ou tout ce qui peut être éduqué dans le plan physique de l'homme, donc dans le plan psychologique aussi, on les réunit. Chaque fois que l'on pratique un mouvement, on doit savoir ce qu'il doit apporter chez nous. Donc, on sait ce que l'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et l'ardème, c'est justement l'expression matérielle de toute la gestuelle physique de l'homme dans un cadre objectif. Chaque mouvement, chaque technique est pratiqué parce que justement, il a de quoi enseigner. Et ce de quoi enseigner est défini. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « pratique ça pendant 15 ans et tu vas voir, ça va te montrer quelque chose ». À la longue, tu vas finir par non. Chaque fois que vous pratiquez une technique ou quelque chose, vous devriez toujours vous demander pourquoi je fais ça. Et si on n'a pas la réponse à vous donner, peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Si vous n'avez pas de réponse, c'est de replacer dans l'inconnu, dans l'inconscient, le travail énergétique de votre évolution. Alors, si on parle de l'ardem, ça s'adresse évidemment aux enfants comme aux adultes, comme aux personnes qui se disent âgées. C'est un système éducatif, mais par le plan physique. Une question qui concerne la sexualité. Comment se débarrasser d'une carence affective reportée sur notre sexualité? Autrement dit, c'est une question concernant les performances sexuelles qui peuvent aller jusqu'à la nymphomanie pour compenser une carence affective. Bon. Il me semble que si la personne prend conscience qu'elle fait de la performance sexuelle pour compenser sa carence affective, elle a réglé son problème. Évidemment, c'est une question qui demande, qui pourrait demander beaucoup d'élaboration pour que la personne arrive réellement à comprendre ce qui se passe. On va profiter, disons, de la question pour éliminer déjà certaines choses. Certaines personnes qui sont en contact avec un degré énergétique difficilement intégrable par l'ego parce que le mental n'est pas suffisamment développé, devront, par le biais de certaines habitudes néfastes pour l'homme ancien, temporairement fastes pour l'homme transitif, brûler cette énergie. Pour l'homme ancien, lorsqu'il fume, il se détruit. Lorsque l'homme transitif a besoin de fumer, il disperse le trop-plein d'énergie qu'il ne peut intégrer. Donc, il se protège. Certains vont le faire par le biais de la masturbation. Certains vont le faire par le biais de performances sexuelles. Certains vont le faire par l'alimentation. Certains vont le faire par le jeu. Toujours conscient du problème. Mais c'est un moindre mal, alors ils le font. Lorsque la carence affective est reportée sur la sexualité, pour régler le problème fondamental de l'homme qui a un vide à combler, donc le problème fondamental de l'homme qui ne sait s'assumer. Lorsque l'homme n'est pas capable de s'assumer, c'est qu'il a passé une partie de sa vie à mettre dans les mains de l'extérieur ses propres énergies de façon à ce qu'un jour l'extérieur le lui donne. Lorsque la personne manque d'amour, lorsque la personne manque d'affection, c'est qu'elle n'est pas capable de s'assumer. Elle va donc aller chercher chez autrui ce qu'elle croit manquer chez elle. La sexualité, si c'est un homme, peut être un mécanisme qui permet de consumer la trop grande énergie intelligente qui tend à le diriger. On a expliqué dans la conférence La psychologie de l'homme nouveau les mécanismes inhérents à la différenciation des différents corps de l'homme et de la femme qui vont porter l'homme à être sexuel. Lorsque c'est la femme qui, par le biais de la sexualité, va rechercher l'affectivité, c'est parce qu'elle sait qu'elle n'en aura pas autrement qu'en passant par ce mécanisme sexuel. Ou encore parce qu'elle a fait une transposition, la sexualité pour elle lui amène de la sécurité, donc de l'affection, ce que l'homme ne recherche pas nécessairement. Comment combler ou comment se débarrasser? En conférence comme ça, on ne peut pas y répondre. C'est un mécanisme qui est beaucoup trop vaste, beaucoup trop grand, et surtout, étant donné que c'est une lacune, une carence d'affection, la réponse serait, pour l'ego, totalement à l'encontre de ce que lui croit avoir besoin. Pour s'en débarrasser, la personne devra avoir des chocs suffisamment violents pour faire éclater quelque chose chez son ego qui refuse totalement de comprendre l'absurdité de son propre mécanisme. Alors, ce qui fait que on ne peut pas y répondre comme ça. La personne va avoir sa réponse dans la vie. Elle peut avoir la réponse en parlant à quelqu'un en face à face. Mais elle ne peut pas avoir la réponse dans une conférence. Sauf évidemment si elle avait déjà la réponse et qu'il lui fallait un coup de pouce. Parce qu'elle ne pouvait s'autoriser à avoir la réponse. Alors, lorsqu'on donne un coup de pouce, elle pense que la réponse vient de quelqu'un d'autre et là, elle peut se l'autoriser. On est passé à travers toutes les questions. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que tu veux peut-être aborder en partie le thème de la conférence que tu donneras dans le cadre du symposium? Rencontre avec des hommes nouveaux. L'intéressant du symposium, c'est que les personnes vont rencontrer d'autres facettes de l'homme nouveau, d'autres commentaires de l'homme nouveau. Et de quoi je vais parler lors de ce symposium, je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, il n'y a personne qui a aucune idée dans ce symposium-là. Il n'y a pas de thème défini. On n'a pas besoin de se préparer. Chose certaine, ça va être intéressant parce que je connais les conférenciers. Si on regarde même les titres de mes conférences, ce sont des titres que d'autres personnes trouvent, qu'on place, qui sont un sujet intéressant. Et d'ailleurs, tu le sais pour l'avoir expérimenté, 10 minutes avant la conférence, je ne sais toujours pas de quoi je vais parler. Alors, encore moins pour le symposium où il n'y a même pas de titre. Maintenant, si c'est une rencontre avec les hommes nouveaux, il faut spécifier qu'il y a une femme qui fera partie de ce symposium-là. Langue française étant ce qu'elle est, l'homme signifie l'humain. On demandera de venir encourager cet élément féminin. C'est assez rare qu'il se manifeste dans un symposium. Je pense que c'est la deuxième fois sur 12 symposiums. Ça va frustrer beaucoup de personnes qu'une femme daigne se prendre pour un homme. Et c'est là l'intéressant de voir enfin une femme qui est elle. Qui est de volonté réelle, pas de bonne volonté. Exactement. Puis les hommes qui la contournent, c'est un être humain qui est à côté d'elle. Puis les hommes qui sont là sont des êtres humains aussi. Il n'y a personne qui se prend pour personne, mais ça peut frustrer beaucoup de personnes. Mario m'a fait parvenir une petite feuille, là, c'est écrit dessus. Après la fin de la cassette, répondez à une dernière question. Je pense que c'est une affaire technique, ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je peux toujours t'en poser une. Ah bon? Parce que là, la cassette est terminée, on vient d'entendre la musique. Alors, pose-moi une question. Bon, alors, demain, il y a une conférence ici qui est donnée par Raphaël Payeur et qui s'intitule « La conscience supramentale ». Alors, j'aimerais, moi, que tu essayes de définir, que tu définisses simplement, quelle nuance ou quelle différence il peut y avoir dans ta démarche, dans tes expériences.